Kouimana sur la mise en onde. Au micro, vous êtes avec Vincine Outoui. Bonjour, mesdames, messieurs, auditeurs de la radio Isanganiro et bienvenue à l'écoute de ce journal et de la mi-journée de ce vendredi dont voici les grands titres. À la veille de la célébration de l'unité nationale, les habitants de la ville de Bujumbura divergent sur l'existence de l'unité. Et pour accéder aux objets culturels archivés en Belgique au musée de Turveren, le Burundi doit adresser une requête d'accès à ce pays. Et 380 ménages vulnérables des trois communes de la province Ngozi ont bénéficié chacun 4 chèvres de la part du projet d'appui intégré pour un élevage familial. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. L'ambassadeur du Burundi en Belgique compte envoyer une correspondance au gouvernement du Burundi. Terence Nahiraja explique que grâce à elle, le Burundi pourra à son tour adresser une requête à la Belgique pour demander l'accès aux objets culturels archivés au musée de Turveren, comme il a déjà fait pour le Congo et le Rwanda. Suivez-le. Du retour des arts culturels, des objets culturels qui ont été volés pendant la colonisation au Rwanda, au Burundi, à l'RDC. Et au niveau du Rwanda et de la RDC, il y a déjà des avancées significatives, évidemment, par rapport au partage de ces objets et au retour dans leur pays. Mais pour notre pays, évidemment, et comme vous constatez, il y a un retard très remarquable. Pourquoi ? Ce retard n'est pas un fait du hasard. Nul n'ignorait qu'à la veille de 2015, les relations entre le Burundi et le Royaume de Belgique n'étaient pas de bon train. Elles ont été perturbées jusqu'à ce que l'Union européenne prenne des sanctions contre le Burundi. Raison pour laquelle donc il y a un retard, parce que c'est pendant cette période dont j'en parle, où le Burundi était sous sanctions de l'Union européenne, que les autres pays ont trouvé de l'occasion pour avancer dans son domaine. Eh bien, à ce qui nous concerne, évidemment, dernièrement, nous avons fait une réunion par rapport à ça, eh bien, et nous avons décidé de préparer une correspondance au gouvernement burundais pour que ce dernier puisse adresser une requête officielle au gouvernement de Belgique, bien entendu, pour demander l'accessibilité à ces objets, à ces objets justement culturels, mais également au retour, au rapatrier ces objets au Burundi. Voilà, en fait, l'objet, parmi les objectifs que nous sommes donnés, il y a aussi cet objectif que nous avons fixé pour cette période, et voilà. Très bientôt, nous allons faire ce travail et nous verrons comment cette situation puisse s'améliorer. L'ambassadeur Terence Nahiraja a été au micro de Christian Savdi. La situation des droits de l'homme au Burundi s'améliore du jour au jour, constat du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, Dr Sixte Vinini Muraba, compare le temps passé où le Burundi ne pouvait pas accueillir Eamon Gilmore, envoyé spécial de l'Union européenne pour le droit de l'homme. Lors de son accueil ce jeudi, Vinini Muraba rassure que ce geste redore l'image du pays à l'échelle internationale. On l'écoute. L'équipe de commissaire vient de recevoir l'envoyé spécial des droits de l'homme. On a échangé sur des questions en rapport avec les droits de l'homme, la situation des droits de l'homme ici au Burundi, mais aussi les missions qui sont assignées à la CNIDH, qui sont au nombre de 3, qui sont la protection et la promotion et le rôle consultatif de la Commission. Nous avons aussi eu le cas le temps pour échanger sur les projets d'avenir, mais aussi on a échangé sur un cas particulier auquel il voulait des éclaircissements. La situation des droits de l'homme va toujours à s'améliorer. On travaille jour et nuit pour que l'image du pays soit redorée. Et je pense que vous pouvez le voir vous aussi que maintenant, il y a beaucoup d'améliorations sur tous les points. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour parler du côté politique, du côté économique et tout consort. Mais ce que je vois, c'est que quand même, il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup d'actions qui vont envers la promotion et la protection des droits de l'homme ici au Burundi. L'équipe qui est venue nous voir a confirmé qu'il y a de bonnes améliorations, de vraiment des efforts qui sont visibles, qui sont accomplis par son Excellence Monsieur le Président de la République et son gouvernement, mais aussi ce qui est accompli par la Commission nationale des droits de l'homme et les autres institutions en charge des droits de l'homme. Et une femme est morte étranglée la nuit de ce jeudi sur la colline Kijima de la commune Rutovu en province Bururi, selon le colonel de police Manila Gabadier, donné commissaire provincial de la province Bururi. Son corps a été retrouvé le matin de ce vendredi derrière la maison du fils de son mari. 5 personnes, dont le propriétaire de cette maison et sa femme, sont déjà dans la main de la police et pour des raisons d'enquête. Et leurs dossiers seront directement transmis au parquet de Bururi. Après une courte pause, le journal est continué. vision de l'avenir. 115 personnes ont attrapé le choléra dans différents coins du pays depuis la déclaration de cette épidémie. Actuellement, seules 12 personnes sont hospitalisées. Cela ressort d'un communiqué du ministère de la Santé publique sorti ce jeudi, invitant la population à respecter les mesures d'hygiène. Suivez par Philippe Beaucoup, porte-parole adjointe du ministère de la Santé publique. Nous avons déjà 115 personnes qui ont été déjà touchées par l'épidémie de choléra. Et parmi ces 115, 102 personnes sont déjà guéries. Et aujourd'hui, nous avons 12 personnes en hospitalisation. Si je fais le détail, pour les 115, les personnes qui ont attrapé la maladie dans le district nord, il s'agit de 47 personnes. 2 personnes dans le district centre de la mairie de Bujumbura. 35 personnes dans le district Isale. Ici, il faut entendre la localité de Gatumba et aussi la partie de Kininya. Nous avons dans le district de sud de la capitale Bujumbura 3 personnes et 28 personnes qui ont attrapé la maladie dans le district de Chibitoke. Nous saisissons cette occasion pour remercier l'administration territoriale qui, pour le travail qu'il a abattu pour la prévention. Nous saluons également la collaboration de la Croix-Rouge parce que tous les volontaires de la Croix-Rouge se sont activés et sont toujours activés sur le terrain, que ce soit pour la pulvérisation dans les ménages où on a remarqué des cas de choléra. Donc nous saluons cette collaboration aussi avec la Régie des Eaux qui a rendu disponible l'eau là où il n'y en avait pas parce que cette épidémie s'est déclarée avec les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale Bujumbura et la partie de la plaine de Limbo. Et nous saisissons cette occasion pour lancer un appel pressant à la population de la plaine de Limbo, de Rugombo jusqu'à Nyanzalak, pour qu'elle observe les mesures d'hygiène pour la prévention de cette épidémie, parce que c'est une maladie, comme vous le savez, des mains. Le ministre de l'Intérieur demande aux responsables de l'administration de laisser les responsables des partis politiques vivant dans la province Karoussi d'exercer librement leur liberté politique. Martin Itelete l'a dit lors d'une rencontre de ce jeudi avec les représentants de la population de la province Karoussi après que les responsables provinciaux du parti CNL ont indiqué que les responsables administratifs les empêchent de tenir des réunions avec leurs membres et de mettre en place des permanences de ce parti politique, et signalant que certaines de celles déjà mises en place ont été détruites. Les détails avec Blaise Pascal Kalaroumi. Dans cette rencontre de ce jeudi avec le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire de la Sécurité publique, avec les représentants de la population de la province Karoussi, le ministre a expliqué l'importance du respect des mesures récemment prises pour prendre en compte les doléances et préoccupations de la population qui ont été exprimées lors de telles rencontres avec les différents membres du gouvernement et la population. Pour le 9e point de ces mesures qui demandent de laisser les partis politiques organiser librement leurs réunions, le représentant provincial du parti CNL a indiqué que les responsables de l'administration leur ont interdit de tenir des réunions avec leurs adeptes et de mettre en place des permanences de ce parti politique dans différentes localités de la province. Zambimana Placide a informé que certaines des permanences mises en place ont été démolies par des inconnus et qu'ils n'ont pas été aidés pour que les détracteurs soient retrouvés et punis conformément à la loi, citant entre autres exemples les cas de Gihogazi et Mutumba. Sur ce, le ministre Martin Niteretse a déploré cette situation et a recommandé aux différents administratifs le respect scrupuleux de la loi régissant les partis politiques et de laisser ces partis politiques travailler librement, et a demandé à ses responsables politiques de songer chaque fois à informer les administrateurs communaux quant à leur activité. Il a conseillé qu'il faut que les responsables de l'administration soient beaucoup de fois en concertation avec les responsables des partis politiques, expliquant que cela permettra de régler à l'amiable tout malentendu et que cela permettra de développer leur population. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kalaroumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kalaroumié. Quittons la province Karoussi pour nous rendre en province Ngozi où le projet d'appui intégré pour un élevage familial résilient a distribué plus de 1500 chèvres à 380 ménages les plus vulnérables des 3 communes de cette province, dont Mumba. C'était ce vendredi 5 janvier, Horibigawa, chef de ce projet, Chaque ménage va recevoir 4 bêtes. Il espère que dans 2 ans, ces ménages auront quitté ce stade de vulnérabilité par le biais de l'agriculture et de l'élevage. Les bénéficiaires apprécient ce geste et l'administration leur demande à leur tour de garder jalousement ces chèvres afin d'atteindre cet objectif. Les détails avec Apollinaire Mozagar. Ces 1520 chèvres distribuées sont composées de 1425 femelles de race locale et 95 boucles de race améliorées des bourgs et alpines. Les bénéficiaires sont 380 ménages les plus vulnérables, dont l'identification a été faite par une équipe de ce projet AIFR, guidée par l'administration locale. D'après Janvier Ngoribigawa, chef de projet, la commune Mumba a reçu 512 chèvres, 508 à Usiga et 500 en commune Ngozi, à raison de 4 chèvres par ménage. L'objectif principal de ce projet, selon Janvier Ngoribigawa, est de tirer ces ménages de cette vulnérabilité le plus tôt possible, au plus tard dans 2 ans, par des activités agro-pastorales. Un kit de médicaments de 3 mois a été également donné aux bénéficiaires, envie de protéger ces caprins et ovins contre des maladies liées à l'inadaptation au climat. Aussi, ces bêtes ont été vaccinées contre la peste des petits ruminants qui a emporté un bon nombre de chèvres et moutons dans ce pays ces derniers mois jusqu'à ce que le gouvernement décide de la fermeture des marchés pour les caprins et ovins et même a interdit la consommation de leur viande. Ce projet a coûté environ 200 millions de francs-bou en financement du Royaume de Belgique par le biais de l'ONG Vétérinaire sans frontières Belgique. Donc aussi, Apollinaire Mozagara, Radio Sanganyiro. Merci Apollinaire Mozagara. Revenons à une ville de Bujumbura où les habitants de cette capitale économique divergent sur l'unité nationale. Certains trouvent qu'il y a un pas déjà franchi, mais pour d'autres, des divisions entre groupes, différents groupes sociaux sont toujours là. Selon eux, la seule différence est qu'aujourd'hui, on ne le montre pas publiquement. Ces habitants le disent à la veille de la célébration de l'unité nationale. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Wimana pour la parfaite collaboration. Vestine Auto, j'étais à la présentation. Au revoir.